par la présence de ton esprit. Dieu, tu es là où deux ou trois sont réunis en ton nom, au nom du Père, au nom du Fils et dans le nom de l'Esprit Saint. Christ et dans celui de l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint. Il est vainqueur, notre Seigneur. Nous élevons son grand nom. Nous élevons comme une bannière le nom précieux de notre Dieu, le nom du Père, le nom du Fils et le nom de l'Esprit Saint, le nom du Père, de Jésus-Christ et celui de l'Esprit Saint, de l'Esprit.